بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous arrivons au terme de cette modeste étude du livre المعتقد الصحيح dans le cadre de cette proposition de traduction de cet ouvrage bénéfique composé par le noble Cheikh Abdussalam ibn Barjas al-Abd al-Karim. Et nous allons tenter aujourd'hui, Inch'Allah, d'aborder les trois derniers chapitres. Dans ce qui a précédé du livre, l'auteur a exposé un certain nombre de fondements du dogme des adeptes de la Sunna. Nous les avons vus ensemble et nous les avons également récapitulés. Il a commencé, après l'introduction, à exposer certaines questions liées au monothéisme, au tawhid et à ses différentes catégories. Le monothéisme relatif à la seigneurie souveraine, le monothéisme relatif aux noms et attributs et le monothéisme relatif à l'adoration. Puis, il s'est étalé sur les six piliers de la foi. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et la foi au destin, que ce qui en découle soit bon ou mauvais. Puis, il a consacré un chapitre, qu'Allah lui fasse miséricorde, à la foi, à sa définition et à la réfutation d'un certain nombre de conceptions erronées de la foi. Et il a également abordé certains autres points qui sont liés à cela. Puis il a consacré un chapitre au statut en islam de celui qui perpètre des grands péchés, qui tombe dans les grands péchés. Suite à cela, il a consacré un chapitre aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis aux membres du foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à présent, et également, excusez-moi, un chapitre concernant les prodiges des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et suite à cela, donc, il en est arrivé aux trois chapitres auxquels j'ai fait référence, les trois derniers chapitres de ce livre. Et le premier d'entre eux, c'est le chapitre relatif à ce qu'il est obligatoire d'observer à l'égard des gouverneurs musulmans. Donc, dans ce qui a précédé, l'auteur a fait mention d'un certain nombre de fondements des dogmes, fondements du dogme des adeptes de la Sunna. Il était donc opportun de faire suivre cela, de clôturer ce livre, en exposant des fondements contribuant à préserver ces fondements qui ont précédé, à les protéger. C'est ainsi qu'il commença par ce chapitre. Tant plus qu'il est d'autorité qu'il n'y a pas de réelle pratique de la religion de l'islam sans qu'il n'y ait un groupe uni sur la vérité. Il n'y a pas à proprement parler de groupe uni sur la vérité sans imam. Et il n'y a pas d'imam sans qu'il n'y ait d'obéissance. Comme cela est établi chez les ulama, et des propos allant dans ce sens ont été rapportés de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, comme l'a recueilli Ad-Darimi dans ses sunan. Donc l'auteur ici a abordé ce fondement-là en l'exposant. Et il a dit le dogme authentique, al-mu'taqad al-sahih, relatif à ce qu'il est obligatoire d'observer à l'égard des gouverneurs musulmans. Et dans ce cadre-là, il a dit que les adeptes de la sunna du groupe uni sur la vérité ont la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à ceux qui ont la foi d'obéir à leurs dirigeants, à leur gouverneur, dans ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah. Ils apportent également foi de manière convaincue au sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans le hadith de Ubada ibn Samit radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoute et obéis dans la difficulté et dans l'aisance, dans ce qui te plaît et te déplaît, même s'il est droit. D'autres que toi doivent être préférés aux tiens. Et même s'ils mangent tes biens et frappent ton dos, sauf si ce qu'on t'ordonne est une désobéissance. Ce hadith a été recueilli par Ibn Hibban dans son authentique, avec une chaîne de transmission correcte. Et à la base, on trouve ce hadith, on trouve la base de ce hadith dans les deux authentiques, c'est-à-dire d'Al-Bukhari et de Muslim. La base de ce hadith est présente dans les authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, mais dans ces termes-là, on les trouve dans l'authentique d'Ibn Hibban. Dans la version que l'on trouve dans les deux authentiques, il y a l'ajout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait l'engagement de ses compagnons qui lui prêtaient allégeance, qui ne conteste pas le commandement à ceux qui le détiennent. Et il leur disait: à moins que vous voyiez une mécréance flagrante à propos de laquelle vous bénéficiez d'un argument clair venant d'Allah. La version de Bukhari et de Muslim, on trouve cet ajout-là. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait l'engagement de ses compagnons qui lui prêtaient allégeance de ne pas contester le commandement à ceux qui le détiennent. Et il disait en précisant: à moins que vous voyez une mécréance flagrante à propos de laquelle vous bénéficiez d'un argument clair venant d'Allah. Cette parenthèse terminée, nous revenons au propos de l'auteur qui a dit, à propos des adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité: ils ont également la conviction qu'il est interdit de se soulever contre les gouverneurs, même s'ils doivent être iniques et injustes, tant que l'on ne voit pas de mécréance flagrante, tant qu'ils ne voient pas de mécréance flagrante, les adeptes de la Sunna, tant qu'ils ne voient pas de mécréance flagrante, à propos de laquelle ils disposent d'un argument clair venant d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs de vos imams sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et qui invoque pour vous et en faveur de qui vous invoquez. Et les pires de vos imams sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous maudissez et qui vous maudissent. Je fus alors dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, n'allons-nous donc pas nous soulever contre eux à l'aide de nos sabres? Il répondit: non, tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière. Et lorsque vous voyez de vos dirigeants une chose que vous réprouvez, Alors, réprouvez son acte, mais ne cessez pas, ne mettez pas un terme à l'obéissance. Littéralement, n'ôtez pas votre main de l'obéissance. Dans une version du hadith, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque un gouverneur qui le dirige et le voit commettre une chose qui relève de la désobéissance à Allah, se doit de réprouver cette désobéissance à Allah, mais ne doit pas mettre un terme à l'obéissance. Donc, à nouveau, littéralement, ôter sa main de l'obéissance. Et ce hadith a été recueilli par Muslim, d'après Aouf ibn Malik. Donc on trouve dans ces quelques hadiths-là, hadith de Aouf ibn Malik, avec ses variantes, de même que le hadith de Ubadah ibn Samit, recueilli par Ibn Hibban, en y ajoutant ce que l'on trouve dans la version de Bukhari et de Muslim, interdiction de se soulever contre les gouverneurs. Et à la base, l'obligation de les écouter et de leur obéir. Cette obligation-là, elle prend sa base dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a dit: Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-rasul wa ulil amri minkum. O vous qui avez la foi, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Tire de ce verset, parmi les enseignements à en tirer, concernant spécifiquement le sujet que nous abordons ici, l'obligation d'obéir aux dirigeants. Qui sont les dirigeants visés? Ce sont les dirigeants musulmans, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa ulil amri minkum, et à ceux d'entre vous, c'est-à-dire ô vous les musulmans, à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Également, on retient de ce verset-là, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, le fait que cette obéissance est restreinte au cadre de ce qui relève de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et ne concerne pas ce qui constituerait une désobéissance. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répété l'impératif ati'u, il a dit: Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. O vous qui avez la foi, obéissez à Allah. Et obéissez. Donc il a répété l'impératif. Et obéissez aux messagers. Par contre, il n'a pas répété l'impératif concernant les dirigeants, étant donné que l'obéissance qui leur est due doit rester dans le cadre de ce qui constitue une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et inclut également, comme nous l'avons vu également à plusieurs reprises, ce qui relèverait du domaine du permis, mais ne concerne pas ce qui constituerait une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un devoir que d'écouter et d'obéir aux dirigeants musulmans. Et parmi les nombreux éléments mettant en évidence l'impérativité de ce point-là fondamental, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu de temps avant son décès, a enjoint à ses compagnons, et par la même occasion à l'ensemble des membres de sa communauté, d'écouter et d'obéir. Et ce, dans le célèbre hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a un jour dispensé ou adressé une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Nous lui avons alors dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, je vous commande la crainte pieuse d'Allah, ainsi que l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave, dans certaines versions, un esclave abyssin, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences jusqu'à la fin du hadith. Donc cette parole-là, c'était peu de temps avant son décès, sallallahu alayhi wa sallam, et il a insisté ici sur ce qui constitue de grands fondements, parmi les fondements de la religion islamique, les fondements de la sunna. En découle le fait qu'il est strictement interdit de se soulever contre les gouverneurs musulmans, comme on le voit dans ces quelques textes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ce point-là. Et il a également exposé dans quelles circonstances devient permis le fait de destituer le gouverneur. Et on se rend compte que les conditions sont lourdes. Dans cette parole courte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en retient trois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma lam taraw » tant que vous ne voyez pas. Donc premièrement, il y a le fait de voir. Le fait de voir que soit vu. Ce qui exclut toute forme de rumeur. Également, il a dit « Illa an taraw » sauf si vous voyez. Il ne s'agit pas ici du fait qu'une personne voit quelque chose ou prétend voir quelque chose de flagrant. D'ailleurs, c'est la deuxième condition. Il la intara ou kufran bawahan, une mécréance flagrante. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas place au doute ou à l'hésitation ou à l'interprétation. Ou au fait que quelqu'un puisse venir remettre en question le fait qu'effectivement, tel acte de mécréance ait pu être perpétré ou telle parole de mécréance ait pu être prononcée. Lakum fihi min Allahi burhan. À propos de laquelle vous disposez d'un argument clair venant d'Allah. Et nous avons vu d'ailleurs que l'anathématisation, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où tu ne viens pas appliquer l'anathème sur une personne en te basant sur tes propres appréciations, ta propre considération des choses, ta propre analyse. Le fait que tu aimes la personne ou ne l'aimes pas, mais tu dois te baser donc sur quoi? Sur un argument clair venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les conditions, formellement mentionné par les ulama, le fait que cela ne doit pas engendrer un mal plus grand. Et ce, à l'unanimité des ulama. Et également, le fait que ceux qui prennent la décision de chercher à destituer le gouverneur qui aurait réuni ces tristes conditions-là, et concrètement la capacité de le faire. Et quand tu analyses avec réflexion et bon sens ces conditions-là, tu te rends compte que ce n'est pas donné à tout un chacun de statuer du fait que il est religieusement permis, voire obligatoire, de chercher à destituer le gouverneur en question, car cela revient au grand ulama. Cela revient au grand ulama. Nos anciens, lorsqu'ils analysaient ces sujets-là, ils revenaient vers les grands ulama, et nous avons cité de nombreux exemples à ce sujet-là au fil des différents cours que l'on a pu donner. Les adeptes de la Sunna, à toute époque, ont renvoyé ces sujets-là aux grands ulama qui sont enracinés dans le savoir et dont les compétences sont indéniables et indiscutables. Et nous avons cité de nombreux exemples à ce sujet-là. On a eu l'occasion de citer certains récits rapportés d'Al-Hassan al-Basri, ou encore plus tard de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et on va y revenir certainement si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Et il est d'ailleurs opportun ici de rappeler ce récit de l'imam Ahmed, bien que nous l'avons vu dernièrement. Et comme on dit, at-takrar wa at-tikrar yu'allimu al-abrar. La répétition est un enseignement pour les braves et les pieux. Donc faites partie, inshallah. On a cité dernièrement ce récit rapporté par Hanbal, des élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et c'était son cousin. Il a dit à propos de l'époque du règne d'Al-Wafiq, Al-Wafiq, qui faisait partie de ces gouverneurs qui avaient été influencés par doctrine déviante et qui en étaient malheureusement arrivés à soutenir que le Coran est créé. Ce qui, comme vous le savez, est une doctrine blasphématoire et impie. Et en plus de cela, il a rendu cette doctrine obligatoire en l'imposant dans les écoles pour enfants. Et en plus de cela, il a persécuté ceux qui ne proclamaient pas cette doctrine impie et blasphématoire. Et c'est important d'insister sur ces détails-là. Pour mettre en évidence la déviance de ceux qui, à notre époque, appellent à se soulever contre des gouverneurs musulmans, alors que ces derniers sont au maximum, on peut dire, tombés dans des actes de désobéissance qui n'arrivent pas à ce stade-là. Hanbal a donc dit qu'à l'époque du règne d'Al-Wafiq, les spécialistes du fiqh se sont réunis à Bagdad auprès d'Abu Abdillah. Donc, les spécialistes du fiqh, pas n'importe qui, ils se sont réunis vers, si ce n'est pas le plus savant de leur époque, vers l'un des plus savants de leur époque, l'imam Ahmed ibn Hanbal, Abu Abdillah. Parmi les spécialistes du fiqh en question, il y avait Abu Bakr ibn Ubayd, ainsi que Ibrahim ibn Ali al-Matbahi, de même que Fadl ibn Asim. Il vint donc à Abu Abdillah, dit Hanbal, et j'ai demandé l'autorisation pour eux afin qu'ils entrent. Ils dirent, « Oh Abu Abdillah, cette affaire a pris de l'ampleur et s'est propagée, visant notamment par là le fait qu'Al-Wafiq avait ouvertement soutenu le caractère créé du Coran. Que voulez-vous donc ?» leur demanda alors Abu Abdillah. Nous te consultons du fait que nous n'agréons ni son autorité ni son sultanat. Abu Abdillah débattit alors un moment avec eux, puis il dit, il vous incombe de condamner dans vos cœurs, mais ne mettez pas un terme à l'obéissance. Littéralement, n'ôtez pas vos mains de l'obéissance. Ne brisez pas l'unité des musulmans et ne faites pas couler votre sang et celui des musulmans avec le vôtre. Prenez en compte à quoi peuvent mener vos actes et endurez jusqu'à ce que les bons trouvent le repos et que l'on soit soulagé des mauvais. De nombreuses paroles que je n'ai pas retenues furent également échangées, dit Hanbal. Puis ils partirent. Je me suis ensuite introduit en compagnie de mon père auprès de Abu Abdillah après qu'ils s'en allèrent. Mon père dit alors à Abu Abdillah, Nous demandons à Allah le salut pour nous ainsi que pour toute la communauté de Muhammad. Et je n'aime pour personne qu'il agisse ainsi. Il dit également, c'est-à-dire le père de Hanbal, « Oh Abu Abdillah, c'est donc ce discours que tu considères être correct ?» C'est-à-dire le discours que tu as soutenu face à eux. Imam Ahmed répondit « Non. C'est qu'en réalité, ce qu'ils soutiennent est en opposition avec les textes qui nous ont été transmis et dans lesquels il nous a été ordonné de patienter. » Il a voulu dire qu'il ne s'agissait pas ici juste d'une opinion personnelle qu'il défendait, mais plutôt du fait que le discours que tenaient ces gens qui étaient venus le consulter était en opposition avec les textes du Coran et de la Sunna dans lesquels nous a été ordonné de patienter. Puis Abu Abdillah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il te frappe, patiente et endure, et s'il fait ci et s'il fait ça, patiente et endure. Il a donc ordonné la patience et l'endurance. Puis il a cité une parole de Abdullah ibn Mas'ud, et Hanbal dit alors, puis il cite une parole que je n'ai pas mémorisée. Et ce récit a été recueilli par Al-Khallal dans Sunnah. Et on trouve également juste avant ce récit-là, dans Sunnah d'Al-Khallal, ce récit rapporté cette fois-ci par Abu al-Harith al-Sa'ir, qui a dit, j'ai questionné Abu Abdillah à propos d'un événement qui s'était déroulé à Bagdad. C'est-à-dire le même événement. Et suite auquel plusieurs individus ont commencé à songer à se soulever. Je lui ai dit, oh Abu Abdillah, que dis-tu du fait de se joindre à ces gens pour se soulever? Il se mit à les blâmer et à dire, pureté à Allah, qu'il se rappelle la sacralité du sang, qu'il se rappelle la sacralité du sang. Je ne soutiens pas ces agissements et je n'enjoins à personne d'y avoir recours. Endurer dans la situation dans laquelle nous sommes vaut mieux que des troubles à l'occasion desquels du sang coulerait, des biens seraient spoliés, des honneurs bafoués. N'as-tu pas su dans quel état les gens étaient à l'époque des troubles? Et les gens aujourd'hui, dis-je alors, c'est-à-dire Abu al-Harith al-Sa'ir, et les gens aujourd'hui, dis-je alors, ne sont-ils pas à nouveau dans une période de troubles, ô Abu Abdillah? Même si c'est le cas, répondit-il, la portée de ces troubles reste restreinte. Retiens ici que quand il parle de la portée des troubles, elle est restreinte à lui et à ses semblables. Donc il n'a pas mis son intérêt personnel en avant, mais il a considéré avant tout la conformité aux textes et principes du Coran et de la Sunna, dans la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, l'intérêt de la religion et l'intérêt général. Il a dit, même si c'est le cas, la portée de ces troubles reste restreinte. Par contre, une fois que les sabres sont sortis, leur portée se généralise et les routes sont coupées. Endurer dans cette situation alors que ta pratique de la religion est préservée est donc meilleure pour toi. Abu al-Harith de continuer et de conclure en disant, j'ai pu le voir condamner le fait de se soulever contre les imams et dire, rappelez-vous la sacralité du sang, je ne soutiens pas ces agissements et je n'enjoins à personne d'y avoir recours. Voilà donc une illustration de la manière qu'avaient les anciens de cette communauté d'appréhender ce genre de situation-là. Wallahu al-musta'an. Donc on se rend compte de l'interdiction du soulèvement contre les gouverneurs et de la gravité de ce genre d'agissement. Pour en revenir au propos du Cheikh Abd Salam Ibn Barjas dans Al-Mu'taqad Al-Sahih, il a continué en exposant un certain nombre de punitions réservées à ceux qui se soulèvent contre les gouverneurs. Et ainsi se désolidarise du groupe uni sur la vérité. Il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui se soulève, celui qui sort, se désolidarise du groupe de vérité, « se voit réservé par le législateur, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, de lourdes punitions, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Punitions correspondant à la gravité de son crime. Parmi ces punitions-là, le fait que l'on trouve dans les textes que celui qui meurt en s'étant défait de l'obéissance et en s'étant désolidarisé du groupe uni sur la vérité et donc autour de l'imam, meurt dans l'état d'une personne qui est morte à l'époque du paganisme anti-islamique. Et c'est là un point très important, comme nous aurons l'occasion de le voir, bi'idhnillah, si ça n'a pas déjà été le cas, quand on parle donc justement du groupe uni sur la vérité. Il faut savoir que fait partie des fondements de ce groupe-là le fait d'être unis sur la vérité autour du gouverneur musulman, comme le disait At-Tustari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. 73 groupes, 72 en enfer et un sauvé. 73 groupes, 72 qui sont contre l'imam et un qui est avec lui. Ou des propos proches de ce sens-là. Et nous aurons l'occasion d'y revenir avec plus de précision si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Le shir donc de continuer en disant « Celui qui se désolidarise du groupe en question » Tu n'as pas à questionner à son sujet, comme on le trouve dans certains textes, ce qui sous-entend que son péché est gravissime. Également, celui qui se désolidarise de ce groupe n'a aucun argument auprès d'Allah le jour de la résurrection. Celui qui se désolidarise de ce groupe se retrouve avec Satan qui s'agite en sa compagnie. Et également d'autres punitions qui sont réservées à celui qui se désolidarise de ce groupe-là et se soulève contre le dirigeant musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Parmi ces punitions-là, le shir donc a continué à en citer une, et également on pourrait en ajouter d'autres, car ici le shir n'a pas visé l'exhaustivité et n'a pas cherché non plus à citer l'ensemble de ces punitions-là. C'est pour cela qu'il a dit parmi ces punitions, min dhalik. Il a continué en disant que les adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité ont également la conviction que l'on doit invoquer en faveur du dirigeant afin qu'il soit pieux et épargné, et que cela fait partie de ce qui est louable et important. C'est d'ailleurs un signe distinctif du fait que l'homme fait partie des adeptes de la sunna, comme l'a dit l'imam Al-Barbahari dans son livre As-Sunna, dans son livre As-Sunna. Il a dit, lorsque tu vois un homme en train d'invoquer contre le sultan, sache qu'il a une idéologie déviante. Et lorsque tu entends un homme invoquer en faveur du sultan afin qu'il s'améliore, sache que c'est un adepte de la sunna si Allah le veut. Al-Fudayl ibn Iyad disait, si j'avais une invocation à faire, je ne l'aurais faite qu'en faveur du sultan. En effet, il nous a été ordonné d'invoquer en leur faveur, afin que leur état s'améliore. Alors qu'il ne nous a pas été ordonné d'invoquer contre eux, même s'ils font preuve d'iniquité et d'injustice. Cela du fait que leur injustice et leur iniquité touchent aussi bien leur personne que le restant des musulmans, de même que les effets de leur droiture concernent aussi bien leur personne que le restant des musulmans. Fin de citation. Donc, les musulmans ont tout intérêt à invoquer en faveur de leur gouverneur. Et cela fait partie d'ailleurs des bienséances que nos anciens observaient. L'imam As-Sabouni, dans le même sens, donc, a dit dans Aqidat al-Salaf, Ashab al-Hadith, à propos des anciens de cette communauté, des partisans du Hadith, ils soutiennent l'invocation en faveur des gouverneurs afin qu'Allah les réforme et leur accorde la réussite ainsi que la piété. Ainsi que la piété. L'auteur de continuer en disant que les adeptes de la Sunna et du groupe Unis sur la Vérité considèrent que dénigrer les gouverneurs fait partie de ce qui est religieusement interdit. D'ailleurs, les plus anciens parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sont accordés sur cela. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, a dit: nos aînés parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit de les dénigrer en disant: ne dénigrez pas vos émirs et ne les trompez pas. Ne les détestez pas et craignez pieusement Allah et soyez endurants, car l'issue est proche. Car l'issue est proche. Cette parole a notamment été recueillie par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah. Ibn Abi Asim dans As-Sunnah. Voilà donc un bref aperçu du dogme des adeptes de la Sunna et du groupe Uni sur la Vérité concernant ce qui doit être obligatoirement observé à l'égard des dirigeants musulmans. Et dans le chapitre suivant, l'auteur a abordé l'interdiction du débat en religion. L'interdiction du débat en religion. Il a donc commencé ici par ce chapitre à mettre en garde contre des comportements exposant le musulman au danger de l'égarement et mettant en péril ce dogme, cette conviction réunissant les différentes composantes qui ont précédemment été exposées dans le livre en question. Et d'autres composantes également, car comme nous le voyons ici, dans les grandes lignes du dogme des adeptes de la Sunna qui sont ici exposées. Donc il a mis en garde contre des comportements exposant le musulman au danger de l'égarement et mettant en péril ses convictions. Et il a commencé par parler de ce qui a trait au débat, à la polémique et à la controverse. Et suite à cela, il a parlé du côtoiement des hérétiques, comme nous allons le voir, incha'Allah, dans le dernier chapitre. Donc dans ce chapitre-là, l'avant-dernier, il a parlé de l'interdiction visant le débat en matière de religion. Il a dit: les adeptes de la Sunna et du groupe Uni sur la Vérité réprouvent les débats, disputes et querelles en matière de religion, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Dans les deux authentiques, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisez et récitez le Coran tant que vos cœurs sont unis. Mais lorsque vous commencez à diverger, alors mettez un terme à votre divergence. Donc on retrouve ici la réprobation visant le fait de diverger à propos de la religion. Dans le Musnad, ainsi que dans les Sunan d'Ibn Majah, sachant que la base du hadith en question se trouve dans l'authentique de Muslim. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr. Une petite précision, car on l'entend parfois, il y a un waouh ici, mais il ne s'agit pas de le prononcer. On ne dit pas Ibn Amrou, on dit Ibn Amr, pour différencier justement de Omar. Tu ne dis pas Amrou, tu dis Amr. Hadith d'Abdullah ibn Amr, selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un jour sorti, alors que certains de ses compagnons se querellaient à propos du destin. Et c'est comme si des graines avaient été pressées sur son visage, tellement qu'il était en colère. Comme si des graines de grenade, le fruit, avaient été pressées sur son visage, tellement qu'il était en colère. C'est-à-dire qu'il est devenu rouge de colère. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a alors dit, est-ce cela qui vous a été ordonné? Ou est-ce pour cela que vous avez été créé? Vous vous mettez à faire se frapper certaines parties du Coran avec d'autres? C'est bien par cela que les communautés avant vous ont péri. C'est bien par cela que les communautés avant vous ont péri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se mettait en colère, c'est lorsque les limites instaurées par Allah subhanahu wa ta'ala étaient dépassées. L'auteur de continue en disant que l'on trouve même certains récits contenant le fait que l'esprit de polémique est une punition parmi les punitions qu'Allah inflige aux communautés. En effet, dans les Sunan de Tirmidhi, ainsi que dans celle d'Ibn Majah, d'après un hadith d'Abu Umama, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas un peuple qui se soit égaré après avoir été bien guidé, sans que l'esprit de polémique se soit installé en eux. Puis il a récité, « Ma darabouhu laka illa jadala » Ils ne te l'ont cité en exemple que par esprit de polémique. Surat al-Zukhruf, verset 58. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, les fondements de la sunna à nos yeux sont se cramponner à la voie sur laquelle cheminaient les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, les prendre pour modèle, rejeter les hérésies, sachant que toute hérésie est un égarement, rejeter les disputes et le côtoiement des partisans d'idéologie déviante, délaisser la controverse la polémique, le débat et les disputes et querelles en matière de religion. Délaisser les controverses, le débat et les disputes et querelles en matière de religion. Fin de citation. L'auteur donc de continuer en disant que tout cela concerne le fait de débattre pour soutenir le faux. ou de débattre à propos de la vérité après qu'elle soit clairement apparue. Ou de débattre à propos de sujets que, à propos desquels on ne détient pas de savoir. Et sans savoir, sans science. Ou le fait de débattre à propos de ce qui peut prêter à diverses interprétations dans le Coran. Ou de débattre avec une intention qui n'est pas pieuse. Et ainsi de suite, parmi ce qui pourrait s'apparenter à tous ces agissements mauvais. Donc, l'interdiction du débat, elle vise ces cas de figure-là. Et comme nous l'avons vu, si vous vous en souvenez, dans les explications du Cheikh Rabi' de Usul Sunna, justement, les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed, on a vu que, à l'instar d'autres grands imams de la communauté, grands ulama de la Sunna, l'imam Ahmed exposait l'interdiction du débat en religion de manière absolue pour montrer la gravité de cette chose-là. Ce qui n'exclut pas le fait que il y ait également une forme de débat et d'échange qui soit permis dans la religion. Et on a eu l'occasion justement d'aborder les conditions qui doivent être réunies, et on a l'occasion ici de les récapituler à travers les propos de l'auteur qui dit dans ce qui suit: par contre, si le débat ou l'échange, el-didal, c'est ça, c'est le débat, c'est l'échange. Par contre, si le débat ou l'échange en question a pour but de mettre en évidence la vérité et de l'exposer clairement, et qu'il est mené par une personne savante, dotée d'une intention pieuse, et qui se conforme aux règles de bienséance, alors c'est là quelque chose de louable. Allah l'exalté a dit: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle, invite à la voix de ton Seigneur souverain par la sagesse et la bonne exhortation, et échange et débat avec eux de la meilleure des manières. Surat An-Nahl, verset 125. Il a également dit: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et ne débattez, n'échangez avec les gens du livre que de la meilleure des manières. Surat Al-Ankabut, verset numéro 46. Il a également dit, à propos du peuple de Nuh: قَالُوا يَا نُوح قَدَ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Ils dirent: ô Nuh, tu as beaucoup échangé avec nous. Tu as échangé avec nous et beaucoup débattu. Apporte-nous donc ce que tu nous promets, si tu es réellement du nombre des véridiques. Surat Hud, verset numéro 32. Donc on retrouve ici, dans ces quelques versets-là, la légitimité d'échanger et de débattre en matière de religion, de la meilleure des manières. Et bien sûr, cela doit réunir les bienséances qui doivent obligatoirement être observées, comme nous l'avons vu ici. On trouve également certains exemples illustrant cela dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé du fait que Ibrahim a eu des échanges avec les gens de son peuple, alayhi salatu wassalam, de même que Moussa a eu des échanges avec Pharaon. Et dans la Sunna, on trouve la mention de l'échange qu'il y eut, de l'échange d'arguments qu'il y eut entre Adam et Moussa, alayhim as-salatu wassalam, et un certain nombre de débats et de discussions et d'échanges ont été rapportés de nos pieux prédécesseurs. Et tout cela concerne le débat, la discussion et l'échange qui est louable et dans lesquels sont réunis le savoir, l'intention, la conformité aux principes de la religion et également les bienséances inhérentes au débat. Et on a eu également un exemple dans ce que l'on a cité précédemment, dans cet échange qu'il y a eu entre l'imam Ahmed et certains de ses contemporains. Donc c'est là un point très important, surtout à une époque où malheureusement les débats sont monnaie courante, surtout à travers les chaînes satellitaires. Et pour parler de moyens de communication et de médias plus récents, Internet. Et on en arrive à présent au dernier des chapitres de ce livre. Et ce dernier chapitre concerne la mise en garde visant le côtoiement des partisans d'idéologies déviantes. L'auteur a dit, Yarhamukallah, les adeptes de la Sunna mettent en garde contre le fait de côtoyer les partisans d'idéologies déviantes et autres hérésies. En insistant sur cela avec force, étant donné que leur côtoiement constitue une contravention à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et est un signe de leur amour. Ne dis pas lorsqu'on te rappelle cette chose-là, mais je ne les aime pas. Car en réalité, le fait que tu les côtoies est un signe du fait que tu les aimes. Sois bien attentif à ce point-là, garde-le bien à l'esprit. Celui qui s'assoit avec eux, les côtoie et les fréquente, est en danger. Et en péril. Et risque de se soumettre à terme à leur égarement. Et de les suivre dans leur faux. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, l'hérésie qui, si un homme la commet, fait de ce dernier un adepte, un partisan des idéologies déviantes, c'est ce qui est connu chez les gens de savoir de la Sunna comme contredisant le livre et la Sunna, d'ailleurs le livre, le Coran, et la Sunna. À titre d'exemple, l'hérésie des Khawarij, celle des Rawafid, celle des Qadariya et celle des Murji'a. Fin de citation. Donc ici, il a renvoyé le fait de déterminer que telle chose est une innovation et que telle doctrine fait de celui qui y adhère un hérétique. Il a renvoyé cela donc à ce qui est connu chez les gens de savoir. Adeptes de la Sunna. Puis il a cité des exemples sans viser l'exhaustivité. Puis il a cité des exemples sans viser l'exhaustivité. Ne dis pas comme l'a dit certains, oui mais au final, à notre époque, ces gens-là, parlant des salafis, qui sont toujours en train de parler de l'hérésie, de la bid'a, de mettre en garde, etc. Où sont leurs initiatives sur le terrain pour mettre en garde contre les Khawarij, pour mettre en garde contre les Rawafid, pour mettre en garde contre Al-Qadariya, contre les Murji'a ou contre les Ahbash, et ainsi de suite. En visant par là, quant à lui, la restriction, et en se gardant bien de citer Al-Ikhwan al-Muslimoun, dont il fait partie, et l'établir. avec qui il est de mèche. Ici donc, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, il a cité des exemples, sans viser l'exhaustivité. Et même si l'on devait considérer des groupes hérétiques anciens, on se rendrait compte qu'il ne les a pas tous cités, sans oublier que, à chaque époque, de nouveaux mouvements apparaissent reprenant les hérésies de leurs ancêtres. Et comme le dit l'adage arabe, li kulli qawmin warith. Chaque peuple a ses héritiers. Chaque peuple a ses héritiers. L'auteur, le Cheikh Abdessalam, et Barjas de continuer en disant: Allah l'exalté a dit: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Lorsque tu vois ceux qui patauchent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les gens injustes. Surat al-An'am, verset 68. Ibn Abbas a dit qu'est inclus dans ce verset-là tout individu qui apporterait une chose nouvelle dans la religion, et tout hérétique, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Et cela a notamment été mentionné par Al-Baraoui dans son exégèse. Et on a eu l'occasion de parler de l'exégèse d'Al-Baraoui qui a pour titre Ma'alim al-Tanzil. Autre exégète de référence, Ibn Jarir al-Tabari, qui a dit à propos de ce verset qu'elle contient une indication claire du fait qu'il est interdit et réprouvé de côtoyer les partisans du faux, peu importe leur bord. Que ce soit les hérétiques ou les pervers lorsqu'ils pataugent dans leur faux. Fin de citation. L'auteur de continue en disant, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit: ne côtoie pas les partisans d'idéologies déviantes, car leur côtoiement rend les cœurs malades. Car leur côtoiement rend les cœurs malades. Tu pourrais te dire, concernant le verset, donc, peut-être qu'il serait bon, envisageable, de côtoyer les hérétiques, de s'asseoir avec eux, lorsqu'ils ne parlent pas de ce dans quoi justement ils se sont égarés. Détrompe-toi. Détrompe-toi, car ce qui est connu des hérétiques, c'est que justement, ils profitent des instants durant lesquels ils ne parlent pas de leur déviance et des moments durant lesquels on ne parle pas de ça pour cracher leur venin. Comme le disaient certains de nos anciens, si l'hérétique, lorsqu'il commençait à parler avec toi, il commençait à mettre en avant son hérésie, tu le fuirais. Donc il commence à te parler en citant des choses qui sont conformes à la sunna. Et lorsqu'il voit que tu es à sa merci, c'est là qu'il commence à introduire dans son discours son hérésie. Et c'est pour cela que l'imam Al-Barbahari disait que les hérétiques sont tels des scorpions. Sont à l'image de scorpions qui cachent leur queue sous la terre et qui la sortent lorsqu'ils voient que leur proie est à leur merci. C'est là qu'il faut se méfier des partisans de l'hérésie. Ibn Battah, décédé en 387 de l'Égypte, a rapporté avec sa propre chaîne de transmission que d'après Imran ibn Hussein, décédé en 52, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui parmi vous entend parler de l'apparition du Dajjal s'en écarte autant qu'il peut, car il arrivera que l'homme se présente à lui en considérant qu'il est croyant, qu'il a la foi, mais il ne le laissera pas jusqu'à ce qu'il l'ait suivi du fait des choses ambiguës qu'il aura vues en lui. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, rapporté par Imran ibn Hussein, a été recueilli par Ahmed dans son Musnad et par Abu Daoud, et le Sheikh al-Albani a déclaré sa transmission authentique dans Mishkat al-Masabih. Après avoir cité ce hadith, Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit en commentaire, telle est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le véridique et digne de confiance. Je vous rappelle donc Allah, ô vous les musulmans, je vous rappelle Allah, afin que la bonne opinion que l'un d'entre vous a de lui-même, et que le fait qu'il sait qu'il est sur la bonne voie, ne le pousse pas à mettre sa religion en péril, en s'asseyant avec certains partisans de ses idéologies déviantes, en se disant, je vais le côtoyer, afin de débattre avec lui, pour connaître plus précisément sa voie. En effet, ces gens-là sont plus troublants que le Dajjal. Plus troublants que le Dajjal. Et leurs paroles sont plus collantes que la gale et plus brûlantes pour les cœurs que la flamme. J'ai certes vu plusieurs personnes les maudire et les critiquer, mais commencer à s'asseoir avec eux pour les réprimander et les réfuter. Elles n'ont alors cessé d'être confrontées à leur amabilité, yani à leur sourire, à leur manière zélée, service qu'ils te rendent, et ainsi de suite. Ainsi qu'à leur ruse sournoise. Et à leur mécréance subtile. Jusqu'à ce qu'elles en arrivent au point de pencher vers eux. Et on peut retrouver cette parole d'Ibn Battah dans Al-Ibana. Dans Al-Ibana Al-Kubra. Et à notre époque, combien les exemples sont nombreux de gens qui effectivement maudissaient et critiquaient les partisans de l'hérésie, et qui ensuite se le sont laissés aller, ou se sont laissés aller plutôt, à discuter avec eux, en ayant confiance en eux, du fait de la bonne opinion qu'ils avaient de leur propre personne, et du fait qu'ils se considéraient convaincus de la validité de la voie sur laquelle ils cheminaient, la voie de la sunna. Et petit à petit, ils en sont arrivés donc à cela, pour en arriver à terme, à pencher vers eux, et même pire, à devenir pire qu'eux, et à devenir des ennemis encore plus acharnés de la sunna et de ses adeptes. Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. L'imam Ibn Battah a également dit, toujours dans Al-Ibana, Al-Kubra, mais dans un passage précédent, ce passage que je vous ai lu, sachant que le passage que vous venez d'entendre, vous pouvez le trouver dans le deuxième volume à la page 469. Et à la page 390 du premier volume, l'imam Ibn Battah a dit, sachez mes frères, l'imam Ibn Battah, donc décédé en 387 de l'Hégire, et nous sommes en 1439. Nous sommes le 27 du mois d'Allah Al-Muharram 1439. L'imam Ibn Battah a dit, donc il y a plus de 1000 ans, et il n'est pas une époque sans que celle qui suit soit pire, comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Ibn Battah a dit, sachez mes frères que j'ai réfléchi à la cause qui a fait sortir un bon nombre de gens de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Tu es sur la voie de la sunna. Tu n'es pas immunisé, tu n'es pas à l'abri. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi sans cesse il répétait, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournais les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, disait, le cœur de l'enfant d'Adam, remue encore plus que le contenu d'une marmite qui a été portée à ébullition. Sachez, mes frères, que j'ai réfléchi à la cause qui a fait sortir un bon nombre de gens de la sunna du groupe uni sur la vérité. Les amener à se joindre à l'hérésie et autres voies abominables a ouvert sur leur cœur la porte à moult calamités et a constitué un voile entre la lumière de la vérité et leur clairvoyance. J'ai alors trouvé que cela s'opérait de deux manières. Donc c'est là l'analyse d'un grand imam de cette communauté, l'imam Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde. J'ai alors trouvé que cela s'opérait de deux manières. La première, la recherche approfondie et l'excès de questions à propos de choses qui ne sont pas profitables, dont l'ignorance ne nuit pas à l'être raisonnable et dont la compréhension ne profite pas à celui qui a la foi. La recherche approfondie et l'excès de questions à propos de choses qui ne sont pas profitables, dont l'ignorance ne nuit pas à l'être raisonnable et dont la compréhension ne profite pas à celui qui a la foi. La seconde, c'est-à-dire la seconde manière, le côtoiement de gens dont on n'est pas à l'abri des troubles qu'ils peuvent causer et dont la compagnie corrompt les cœurs. La deuxième, le côtoiement de gens dont on n'est pas à l'abri des troubles qu'ils peuvent causer et dont la compagnie corrompt les cœurs. En outre, je vais mentionner, si Allah le veut, un certain nombre d'éléments illustrant ces deux causes, de sorte à ce qu'ils parviennent à ceux qui acceptent le conseil et ont dans leur cœur un minimum de pudeur. Cette parole-là, on la retrouve dans le premier volume d'Al-Ibn al-Kubra, à la page 390, dans le chapitre du délaissement, des questions à propos de ce qui n'est d'aucun profit et de la recherche approfondie de ce dont l'ignorance n'est pas nuisible, accompagné de la mise en garde à l'encontre de gens qui exagèrent dans l'approfondissement de l'analyse de certains sujets et introduisent volontairement des doutes dans les rangs des musulmans. Et après avoir dit cela, Ibn Battah fit mention de près de 250 hadiths, près de 250, si mes souvenirs sont bons, donc il y en avait 236. Donc près de 250 hadiths prophétiques et de paroles et récits de pieux prédécesseurs relatifs à la mise en garde contre ces deux fléaux. Donc, dans la fin du chapitre contenant cette parole, il a fait mention d'un certain nombre de hadiths prophétiques et de récits et paroles rapportées de nos pieux prédécesseurs concernant la condamnation de la recherche approfondie et de l'excès de questions à propos de choses qui ne sont pas profitables, dont l'ignorance ne nuit pas à l'être raisonnable et dont la compréhension ne profite pas à celui qui a la foi. Et dans le chapitre suivant, qui commence dans le troisième volume et qui tient sur près de 500 pages, il a énuméré ce qui a trait au côtoiement de gens dont on n'est pas à l'abri des troubles qu'ils peuvent causer et dont la compagnie corrompt. Et dont la compagnie corrompt les cœurs. Suite à cela, il consacra un long chapitre à la condamnation de la polémique et de la controverse en religion et du blâme visant ses partisans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne, ce qui correspond donc à l'avant-dernier chapitre du livre Al-Mu'taqad al-Sahih du noble Cheikh Abd al-Salam ibn Barjas al-Abd al-Karim. Et c'est sur cela donc que se termine cette tentative de traduction. L'auteur a dit que c'est en louant Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de par la réussite qu'il octroie que s'achève le livre Al-Mu'taqad al-Sahih, Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu, le dogme authentique qu'il est obligatoire à tout musulman d'adhérer, ou auquel il est obligatoire à tout musulman d'adhérer. Puis il a dit, je demande à Allah l'exalter de fer qu'il a été composé pour sa noble face, et ce de manière sincère, avec une intention pure, et qu'il est conforme à la sunna de son prophète Mohammed, de même que je lui demande de le rendre profitable à l'ensemble des musulmans, et qu'Allah couvre d'éloge et salue notre prophète Mohammed, ainsi que les membres de son foyer, de même que ses compagnons et ceux qui les auront suivis avec excellence jusqu'au jour de la rétribution. Allahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin.